Ici y'a tout le monde qui veut gratter sa pièce. Donc le teur crie aha quand y'a pas trop qui passe. Des garrots, une canèche, niquer ma dernière pièce. Je me demande ce que j'aurais pu en faire à la place. Ça pue dans nos rues donc il faut qu'on encaisse. Il doit payer les frais donc il passe à la caisse. À la caisse ils lui disent qu'il doit passer en cash. La trahison m'a laissé un goût amer. J'ai dépensé sordide que je canalise sous du bon terre. Et disons qu'à part tout ça, là je déjoue les pronostics. Le diable veut me faire des poussages, je veux pas me noyer pour des broutilles. Coute ça espèce d'abruti. Là je crois que je t'ai mis dedans. T'as pas capté toutes les règles, ça te fait péter toutes les dents. De 1 on ne parle pas, de 2 nique les fagames gamme. On va pas tomber parce que tu parles aux oreilles des chats. Les gens bavent, c'est cave, mérite des targes. Oh c'est le sapleur, gros dehors ça fait les barges. Moi d'autres écart, je m'écarte les gens quand vous m'écœur. Que des putes et des bâtards, pour ça que j'ai plus de cœur. Ouais, il faut que t'arrêtes de faire le foot taré. Faire le foot taré. Dans ma cité tout carré, je ferme mes soupes, me barrer. Crois-moi, je suis pas le baron, mais s'il y en a, je vais les barrer. Même derrière les barreaux, je ferme mes soupes, me barrer. J'ai cassé, mais se battre, faire de la route, ça nous connaît. C'est pas de sa faute, mais ça veut quand même aller baffer le croupier. Les fêtes, maître, mais l'on peut pas tout oublier. Le taf indé, du coup, maintenant tu sors jamais sans le bouclier. Le temps d'avance, c'est comment? Des baisers doublé Conan. Là, il est dans le plat, l'autre finit dans le coma. Le temps d'avance, c'est comment? Des baisers doublé Conan. Là, il est dans le plat, l'autre finit dans le coma. Ici, y'a tout le monde qui veut gratter sa pièce. Donc, Gutter crie aha quand y'a pas trop qui passe. Des garrots, une canèche, niquer ma dernière pièce. Je me demande ce que j'aurais pu en faire à la place. Ça pue dans nos rues, donc il faut qu'on encaisse. Il doit payer les frais, donc il passe à la caisse. À la caisse, ils lui disent qu'il doit passer en cash. Je me roule un terre et je fume sur la cache. Des vallées, des allées de galère au mitard. J'en ai pas l'air, presse de pas l'air, me fait le fou, haute mot à l'air. Nique le bébé, vodka à jeun, j'finis pété. Chaque année, toujours la même, t'es endetté. Zonner la nuit, palette dans la sacoche, rien à fêter. J'passe à la lime, j'me sors un flash pour m'évader. Deux, ce monde de bâtard que j'aime pas. Quand tu me dis bonjour ou pas, ça me gêne pas. J'arrive à bas, j'fais des dégâts. Ouais, c'est l'as pour tous mes gars. Le sang, nous, on vient d'en bas. Ouais, toujours anti, état, toujours anti. CRS, on veut du B, OSS. Les jaloux, ils ont maigri, j'passais au L, j'faisais du S. Et ça fait bébé. Chez moi ça te braque pour manger la recette. Je roule en Clio 3 direct vers un Q7. Faut faire gaffe à ton poteau s'il fait trop de poussettes. Si j'ai pas de couteau, je mets la pire dans on ma chaussette. On a la dalle au micro, même si c'est dur on s'accroche. Quand j'étais petit je voulais des sous, du coup je vidais la sacoche. Choisis bien tes rôles. En cas de galère y'a qui défoche. Prends pas n'importe qui, en cas de pépin c'est lui qui dénonce. Ça va te niquer ta mère, pas besoin de sortir l'arme blanche. Que ça tu traites les veines, en fait t'es juste un manque de blanche. On sait pas ce qui se passe demain, c'est pour ça que je remplis mes poches. Et crois pas je fais ça pour rien, je vais mettre à l'abri mes proches. Ici y'a tout le monde qui veut gratter sa pièce. Donc Gutter crie aha. Quand y'a pas trop qui passe, des garrots, une canèche, niquer ma dernière pièce. Je me demande ce que j'aurais pu en faire à la place. Ça pue dans nos rues, donc il faut qu'on encaisse. Il doit payer les frais, donc il passe à la caisse. À la caisse, ils lui disent qu'il doit passer en cash. Je me roule un terre et je fume sur la cage. Je nique ta mère comme un crétin, m'en bat les couilles du quiproquo. Ici, ça va te feinter sans en parler des conséquences. Rendu dans salle, on fait du mal, au proche, la rue nous fait du charme. Je sais pas choisir madame, tout comme ta zine, t'es de passage. J'ai connu la galère, qui sait. Demain, je serai peut-être plus là. Demain, je me serai taillé. 17 ans de bagarre, j'ai fait hera. Ça contrarie, rien n'est carré. S'il faut la guerre, on est paré. Ici, même les salopes pourraient bien te faire cavaler. Fils de pute, me demande pas si ça va. En bas, y'a que des disputes, ça s'allume à tout va. Va te faire enculer, c'est parti, impossible de reculer. Ils ont tué ton frère, alors mon frère, tu l'es. C'est dent pour dent, y'a plus de temps. Le temps, c'est de l'argent, ça met les dents. Tranquillement, pour moins de 30 kills grands. Ça kidnappe ta famille, dans le biz, ami. L'argent, c'est ton seul ami. Demande à Rami, c'est pas tous les jours la fête. Pour connaître la victoire, faut connaître la défaite. Ma vie est faite de sales histoires, c'est la vie qui veut ça. Regard noir, je mets du shit et la bœuf dans la masse. Que passe à Gringo, numéro 10 comme Diego. J'ai le fuego, ça empile les plaquettes comme des Legos. On veut le magot sans être infiltré. Ça fume même le mégot du triple filtré. Ici y'a tout le monde qui veut gratter sa pièce. Donc Gutter crie aha quand y'a pas trop qui passe. Des garrots, une canèche, niquer ma dernière fée. Je me demande ce que j'aurais pu en faire à la place. Ça pue dans nos rues donc il faut qu'on encaisse. Il doit payer les frais donc il passe à la caisse. À la caisse ils lui disent qu'il doit passer en cash. Je me roule un terre et je fume sur la cache.